France Inter. .fr. Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La mémoire allemande de la Grande Guerre. C'était à peu près à midi. Ils nous ont raconté que la guerre était finie depuis 11 heures et que l'empereur avait quitté l'Allemagne. Et nous étions tout consternés de ce cas, mais nous étions soulagés que la guerre était finie. Les manifestations françaises du centenaire de la Grande Guerre pensaient dans un premier temps privilégier la perspective franco-allemande. C'est une tradition maintenant quasi établie, un automatisme. Et puis, il a bien fallu admettre que les mémoires des deux pays ne coïncidaient pas vraiment. Non pas que les Allemands refusent de considérer la part de responsabilité de l'Empire de Guillaume II dans l'engrenage et ensuite dans la brutalisation du conflit. En revanche, ce qui leur paraît plus difficile à concevoir, c'est la période 14-45 considérée comme un bloc, une guerre de 30 ans. Cela, c'est une vision davantage française qu'on trouvait par exemple dans la bouche du général de Gaulle. La mémoire des Allemands, elle, est requise encore et toujours par l'événement de 1933, l'arrivée de Hitler à la chancellerie, le grand saut dans l'enfer. Berlin, cette année 2013, organisait ainsi des dizaines d'expositions pour explorer le nazisme. En 2014, le musée d'histoire de l'Allemagne en consacrera une seulement à la Grande Guerre. 14-18 ne peut pas revenir au premier plan dans les mêmes conditions qu'en France. Le témoin de ce vendredi, Arndt Wenrich. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé à la grande aventure collective dont nous nous inspirons depuis le début de la semaine. La Grande Guerre, ses conflits, ses combats, c'est une entreprise dirigée par Jay Winter qui paraît à la fois en anglais aux presses universitaires de Cambridge et en français chez Fayard. Il y est dit qu'on en est, faisons le calcul ensemble si vous voulez bien, Arndt Wenrich, à la quatrième génération d'historiens de la Grande Guerre. Quatrième, voire cinquième. Vous pensez plutôt de la cinquième. Ah, faudrait faire le calcul. Ouais. Mais quasiment, oui. Ouais, j'ai dit que vous étiez très jeune. Vous travaillez à l'Institut historique allemand à Paris. Alors, on va explorer, si vous le voulez bien, strate après strate, cette mémoire allemande. Alors, comme vous êtes un homme qui aime bien les présentations, qui aimait bien les présentations rationnelles, vous dites trois strates. Absolument, il y a trois strates. L'histoire de la mémoire allemande de la Première Guerre mondiale se décline en quelque sorte en trois temps. Il y a d'abord, pendant la République de Weimar, une sorte d'omniprésence de la guerre, même si les discours, comme nous allons voir tout à l'heure, restent extrêmement clivés. Après, il y a une sorte d'hypermnésie quasiment obsessionnelle de la part du Troisième Reich, hein, qui servira à légitimer un discours porté sur le simple caporal de la Première Guerre mondiale, qui était, comme nous savons évidemment, Adolf Hitler. Et après, le troisième temps dans lequel nous sommes encore, c'est l'après 45, l'après Seconde Guerre mondiale, où il y a une absence de plus en plus marquée de toute mémoire allemande de ce conflit. Très bien, monsieur le docteur. Je peux vous appeler comme ça parce que vous avez fait une thèse sur les jeunesses hitlériennes et la mémoire de la Première Guerre mondiale. Alors, passons au premier temps. Avant le nazisme, la République de Weimar, donc c'est un régime instable, hein, jamais perçu par tous les Allemands comme absolument légitime, même si l'armistice a pu provoquer après le 11 novembre 18 un grand soulagement chez beaucoup d'Allemands, la plaie va rester ouverte pendant toute la République de Weimar. La plaie, effectivement, la guerre, elle est omniprésente. Ceci d'autant plus que le traité de Versailles et les différents traités qui seront liés à la question des réparations vont, au fur des années de la République, revenir sur cette question et raviver la plaie. Donc là, la guerre est bien là. Elle est sur le premier plan de la République de Weimar. Et c'est difficile de voir comment ça aurait pu être autrement. Après tout, il faut quand même rappeler qu'il y a qu'il y a eu 2 millions de morts allemands, encore plus de blessés et de mutilés, que la violence est donc tout à fait inscrite dans cette société d'après-guerre qu'est la République de Weimar. Et donc le tribut en vie humaine, c'est avec la Russie le plus lourd tribut payé. 2 millions de morts, dites-vous, 1 400 000 soldats morts. En France, le chiffre est moindre. En France, on a un soldat inconnu, on a à Westminster, à Londres, un soldat inconnu. Enfin, on a des lieux de rassemblement nationaux, des monuments aux morts nationaux. La République de Weimar n'a jamais eu le temps et la possibilité de construire un discours mémoriel unificateur. Si on dit effectivement que la guerre est omniprésente, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a eu un discours unique. Loin s'en faut. Effectivement, la mémoire, pendant toute l'existence, hélas, éphémère de la République de Weimar, reste extrêmement clivée. Donc il y a un discours de droite qui va beaucoup insister sur les faits d'armes de l'armée impériale finalement, aurait été poignardé dans le dos par la révolution de novembre 1918, par les socialistes, par les communistes. De l'autre côté du spectre politique, il y a un discours de gauche qui va évidemment beaucoup insister sur les horreurs de la guerre, ainsi que sur les inégalités de la société impériale et au sein de l'armée impériale. C'est-à-dire que quand on inaugure un monument aux morts en Allemagne, ce n'est pas toujours le même discours qui va être tenu. Est-ce qu'il y a d'ailleurs autant de monuments aux morts qu'en France ? Je parle de monuments aux morts locaux, là, pas national. Très bien. Il y a, les chiffres, et pour le cas français et pour le cas allemand, les chiffres sont quasiment impossibles à établir. Mais il me semble absolument qu'il y a une première lame de fond qui consisterait à ériger partout dans le pays des monuments aux morts. Donc là, on est dans le même cas de figure. 1921, nous sommes sous la République de Weimar. Le cinéaste Edgar Reis est en train de poursuivre ça. Riche chronique d'un village allemand, Heimat, et nous sommes donc à la hauteur des 3 années qui ont suivi la guerre. Un dignitaire vient inaugurer un monument dans le village. Chère assemblée, ceux dont les noms sont gravés ici savaient pourquoi ils combattaient. Ils ne portaient pas le poids d'une mauvaise conscience, comme l'ennemi qui lâchement avait agressé un peuple pacifique. C'est avec une conscience légère qu'ils ont affronté l'ennemi du monde. Nous autres Allemands, qui avons encore des idéaux, nous luttons ensemble pour des temps meilleurs. Battons-nous pour le droit, la loyauté et la morale, au nom de nos morts. À cause de l'infâme et grotesque traité de Versailles, qui ignominieusement dépouille notre peuple, un jour naîtra du sang de l'Allemagne le génie qui, tel un messie, nous délivrera du carcan de l'humiliation. Déjà, nous pressentons sa lumineuse apparition. C'est alors que la paix viendra, une paix nécessaire pour un avenir serein de notre empire qui influera sur le cours du monde et de l'histoire. Unsere Lieben sind nicht vergeblich gefallen. Ainsi, nos chers disparus ne seront pas morts en vain. Il n'y a pas de soldats inconnus enterrés dans le territoire allemand. Non, effectivement, c'est pas du tout le cas. Il y a au centre de toute cette question, comme vient de le montrer le petit extrait que nous venons d'entendre, effectivement la question du sens de la guerre. Parce qu'à partir du moment où la victoire n'est plus possible, on se pose la question pourquoi tout ça, pourquoi tous ces morts, tous ces sacrifices consentis ou concédés, pourquoi tout cela ? Et donc, Nos morts ne sont pas morts en vain, dit le discours. C'est-à-dire que le soldat du front, une figure qui apparaît et qui devient de plus en plus commune à tous les Allemands à mesure que les années passent, est censé de répondre à... Voilà, cette question. Absolument. Donc notre réponse aujourd'hui serait de parler de l'absurdité de la guerre. Mais ça, pour les contemporains, c'était impossible. Et donc, ça aurait été bien trop douloureux. Donc, effectivement, il y a un discours qui consiste à dire, qui passe de la défaite réelle à une sorte de victoire morale. Dans la mesure où la guerre... Et les soldats allemands en particulier auraient fait preuve du devoir du sacrifice, de l'obéissance, de l'abnégation d'eux-mêmes, de l'altruisme, de la solidarité des tranchées. Ils ont créé un système de valeurs qu'il faut perpétuer. Et alors, vous avez une formule étonnante, Arne Wenrich, vous dites « Le soldat inconnu, c'est Hitler ». Le soldat inconnu n'est pas à Westminster, il n'est pas sous l'Arc de Triomphe, il est vivant à la chancellerie à partir de 1933. Voilà, effectivement, il vit, il est vivant. Et c'est ça la grande différence qui montre très très bien dans quelle mesure l'Allemagne n'est pas capable de tourner la page. On ne peut pas s'imaginer d'inhumer un soldat inconnu parce qu'il faut que les soldats restent vivants. Les valeurs qu'ils ont portées et qu'on leur prête pendant le conflit, elles doivent rester vivants dans les générations futures. Il y a tout un discours qui se développe et qui stabilise un système de valeurs militaires. Et tout cela, ça jouera extrêmement fort dans l'intégration de la population allemande après 1933. Alors, vous avez beaucoup étudié les jeunesses hitlériennes. Vous dites que l'âge moyen des activistes du nazisme est relativement bas. Ils sont nés, ces activistes, entre 1900 et 1910. Ce ne sont pas les anciens combattants. Et comment le nazisme va-t-il fédérer les anciens combattants plus âgés, dont beaucoup ont connu la misère pendant les années de crise, et les jeunes activistes hitlériens ? Tout simplement en construisant une sorte d'unité générationnelle. Donc, c'est-à-dire que l'héroïsme de la génération du feu en 14-18 a été un moment fort pour la mentalité collective de cette jeunesse et qui se seront saisies de ces valeurs et qui auront, en s'engageant aux côtés d'Hitler et du parti nazi, fait preuve de la même abnégation. Donc là, symboliquement, les jeunes hitlériennes vont arriver sur un pied d'égalité avec les héros de 14-18. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas de monument national. On avait quand même construit, à partir de 1924-1925, un mémorial à Tannenberg. Ce n'est pas un endroit indifférent, ce n'est pas un nom choisi de manière indifférente non plus. Et pendant l'époque nazie, ce mémorial va prendre de plus en plus de place. C'est un monument dédié à la bataille de Tannenberg du mois d'août 14, où l'armée impériale arrive à avoir quasiment la seule victoire décisive stratégique de toute la guerre. Donc, en Prusse orientale face à l'Est sur le front. C'est pas anodin. Donc justement, c'est pas anodin qu'il y a là un monument qui célèbre une victoire et non pas un monument qui commémore la guerre dans son ensemble, qui s'est soldée par une défaite. Et donc, dans l'imaginaire allemand, Tannenberg est extrêmement important. Et le charisme du maréchal de Hindenburg, qui a donc été le chef de l'armée allemande à Tannenberg, est extrêmement important pour la société de l'entre-deux-guerres. Parce que Hindenburg, qui est président quand Hitler devient chancelier en 1933, et qui meurt de vieillesse, parce qu'il remonte en effet à la plus haute antiquité en 1934, est enterré, son épouse le sera aussi, à Tannenberg, entouré de 20 soldats qui montent comme une sorte de garde rapprochée autour de son monument. C'est ça ? Absolument. Ouais. Là, il y a une sorte d'autre monument aux morts, monument aux soldats inconnus allemands, qui sont une vingtaine. Et voilà, au pluriel. Les obsèques de 1934. Berlin, 2 août. Les grandes lignes des cérémonies funèbres. La cérémonie nationale se déroulera le mardi 7 août à Tannenberg, en Prusse orientale. Dans la nuit de lundi à mardi, à minuit, le cercueil sera conduit avec tous les honneurs militaires de Neudeck à Tannenberg. Mardi à 11h, la cérémonie nationale commencera par la symphonie héroïque de Beethoven. Puis, l'aumônier général militaire de la Reichswehr prononcera un panégyrique. Le chancelier prendra la parole et l'enjouera l'air « J'avais un camarade ». Au moment où le cercueil sera déposé dans la tour des généraux, c'est-à-dire à 11h45, le trafic sera suspendu dans tout le Reich. Le travail sera interrompu dans toutes les entreprises pendant une minute. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Notre témoin du vendredi, c'est Arne Wenrich, jeune chercheur allemand. Nous parlons de la mémoire allemande de la Grande Guerre. C'est un peu le cinquième épisode de notre série de cette semaine consacrée au premier conflit mondial. Jacques Sigal, notre réalisateur, me disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu « J'ai un camarade ». Pour lui, c'est un chant nazi. Alors, il y a eu une discussion au bureau. Pour vous, c'était pas au départ seulement un chant d'extrême droite. Ah, pas du tout. La preuve, c'est toujours actuellement le chant funèbre allemand que va jouer la Bundeswehr, par exemple, à l'occasion des enterrements de ces soldats tombés sur des théâtres d'opérations extérieures. Donc là vraiment, c'est une chanson qui fait consensus, qui est une sorte d'hymne national inofficiel pendant l'entre-deux-guerres. C'est quasiment le seul, si vous voulez l'appeler comme ça, lieu de mémoire sur lequel la gauche et la droite peuvent se mettre d'accord. Donc dans toutes les cérémonies, qu'elles soient organisées par le Reichsbanner, donc les sociodémocrates, ou bien par les nazis, il y a cette chanson qui est jouée. Et justement, elle insiste sur la centralité de la camaraderie du front, de la fraternité des tranchées dans l'imaginaire nazi. Il faut, dans cette lecture, que les contemporains se saisissent de cet esprit pour le faire perdurer, pour bâtir une sorte de communauté du peuple et par là même pour donner un sens à la guerre. Oui, mais voilà maintenant la Deuxième Guerre mondiale dont vous décrivez les linéaments est terminée. Nous sommes en 1945, nous sommes 11 ans après les obsèques de Hindenburg. Hitler craint une profanation des dépouilles du maréchal et de son épouse, les fait récupérer, je ne sais où elles sont maintenant. La Wehrmacht fait sauter le mémorial de Tannenberg et les Polonais vont s'occuper de le raser complètement ensuite. Il reste quelques vestiges, mais sinon, plus rien de ce monument absolument gigantesque. 1945, dorénavant, la question de la culpabilité est extrêmement forte en Allemagne. Toute la mémoire est polarisée par la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Absolument. Enfin, ce n'est pas un processus qui va se terminer en 1945. Évidemment, ce sera un processus beaucoup plus lent, assez douloureux, qui va, dans les années 60, 70, finalement instaurer la Shoah au premier plan de la culture politique allemande. C'est la seule référence historique que connaissent les Allemands, la culture allemande actuellement. Vous dites ça sérieusement, la seule référence historique? Sur le terme de la culture politique. Ouais. Tout ce qui est avant il y a comme un malaise de s'en inspirer. Effectivement, un discours comme l'a tenu le président de la République là, il y a quelques jours, comme quoi il fallait commémorer pour renouveler le patriotisme, il serait absolument inconcevable. Vous parlez du président de la République française. Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, Arne Wenrich, inutile de me poser une question sur la différence qu'il y aurait entre la mémoire de la RFA et la mémoire de la RDA. C'est à peu près la même chose pour vous ? Ou bien la RFA tire toujours les choses à elle, comme c'est le cas depuis la réunification ? Un petit peu. Il y a un petit peu de ça. Sauf qu'effectivement, on est dans des cas de figure assez comparables. Dans la culture communiste de la RDA, aussi la Première Guerre mondiale, elle sera très vite remplacée par la Révolution russe, tout simplement, et ensuite par la résistance qu'auraient opposé les communistes allemands au Troisième Reich. Et puis alors, vous m'avez dit, le mot de réconciliation, introduisez-le dans la conversation, parce qu'il ne va pas venir spontanément, nécessairement, dans ma bouche. Alors, je parle de la réconciliation franco-allemande. Quand, à partir de 1950, il y a la politique de la CECA, la politique de construction européenne, et que les Allemands cessent peu à peu d'être pour les Français des ennemis, mais deviennent des alliés, des co-constructeurs de l'Europe, qu'est-ce que ça change ? Ça change un discours franco-allemand de la Grande Guerre qui devient plus consensuel, en quelque sorte. Déjà, on le voit au début des années 50, qu'il y a une commission mixte franco-allemand qui va se pencher sur la description des origines de la Première Guerre mondiale dans les manuels scolaires. Et elle arrive à formuler la recommandation qu'il fallait un petit peu gommer tout ce qui pouvait heurter les susceptibilités pour dire que tous étaient à peu près responsables au même titre, donc qu'il y avait une responsabilité partagée. Et ce discours-là, on le voit très bien se décliner à de nombreuses occasions, et entre autres aussi, évidemment, à l'occasion de la célébration qu'a réuni Mitterrand et Kohl à Verdun. Mais attendez, avant de parler des grands hommes, parlons des mécanismes de la réconciliation qui concernent, par exemple, les masses des jeunes et des étudiants. Moi, je me souviens d'avoir bénéficié, étudiant français, de séjours de rêve dans des auberges cossues, au bord de lacs tranquilles, en Allemagne. Pendant ce temps, les jeunes Allemands, dans le Nord... Dans la commune du Cateau en Cambrésie, un cimetière militaire comme il en existe tant d'autres dans le nord de la France. Pendant toute la durée des vacances, des jeunes s'y sont relayés. Pourquoi ? Tout simplement pour remettre en état les sépultures des soldats allemands tombés pendant la Première Guerre mondiale. Ces jeunes Allemands, dont la moyenne d'âge n'excède pas 18 ans, sont tous membres d'un mouvement, très exactement l'Association populaire allemande pour l'entretien des sépultures militaires. Avant, il y avait eu des croix en bois. C'était pas très solide. Il fallait remplacer les croix tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et ça coûte cher et il faut des ouvriers qui font ça. Alors c'est pour cela qu'on veut remplacer les croix en bois par des croix en fer. Il faut dire que la tâche est immense. 1 400 000 tombes à entretenir, pour la plupart en Europe de l'Ouest et pour l'essentiel dans le nord de la France. Reportage de France 3 des années 70. Il y a quelque chose de l'expiation dans cette mémoire de la réconciliation ? Certes, il y a surtout l'idée de, sans doute, d'évacuer par le biais de la Première Guerre mondiale des mémoires plus récentes, des souvenirs plus récents liés à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, encore une fois, la Première Guerre mondiale constitue une sorte de terrain d'entente sur lequel les jeunes Allemands et Français peuvent se rencontrer assez vite. Vous êtes le témoin du vendredi, je peux me permettre une question personnelle. Quand avez-vous fait le premier déplacement en France sur un lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale ? Ouh là là, ça... En famille, Non, pas du tout. Ça faisait déjà partie de mon parcours, si vous voulez, d'historien travaillant sur la Première Guerre mondiale. Donc avant, jamais ne me serait venue à l'esprit l'idée de visiter, que ce soit Verdun, la Somme ou d'autres lieux de mémoire. Il n'y a pas eu de parcours fléché par votre école, par vos parents dans cette direction-là? Il n'y a rien qui peut se comparer à ce qui effectivement se passe dans les écoles anglaises ou françaises. Alors, il y a toutes sortes de cimetières disséminés pour les Allemands en France. Et puis, il y a la forteresse du souvenir, il y a Verdun. Archives radio, nous sommes ici à l'époque du cinquantenaire de la bataille de Verdun. Ici Douaumont. Sentiment écrasant et impressionnant de solitude avec le brouillard épais qui tombe sur les champs de Croix-Blanche et ce glas des morts que nous enregistrons pour vous. Monsieur l'aumônier, combien de visiteurs vous accueillez chaque année? Nous recevons dans l'ossuaire environ 250 à 300 000 visiteurs dans l'année. Sur ce nombre, à peu près 60 000 Allemands. Des gens jeunes ou des personnes âgées, des anciens combattants peut-être? Il y a pas mal d'anciens combattants, mais cette année, j'ai remarqué que la jeunesse allemande, accompagnée de ses chefs, est venue en pèlerinage très souvent sur ce champ de bataille. Est-ce que vous avez noté leur réaction? Vraiment, ces jeunes gens se sont très bien tenus, se sont rendus compte du lieu sur lequel ils étaient et sont vraiment venus se recueillir. Et quand on pense que mon grand-père s'est battu avec le grand-père d'autres qui sont là et que nous, on se promène ensemble maintenant sur les champs de bataille, ça fait une impression assez... Je crois que nous, jeunes, on ne peut pas se faire la véritable image comment c'était. Mais l'Américain Paul Yankovski, qui était notre invité mardi et qui vient de consacrer un livre à Verdun, dirait là, à cet instant, et vous aussi peut-être, Arne Wenrich, qu'en fait, derrière les apparences, il y a de fortes divergences des mémoires, aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, je suis assez frappé par ce témoignage que nous venons d'écouter, puisqu'elle montre justement... qu'il y a, il datait des années 60, il y a quand même une mémoire encore assez forte à ce moment-là. Voilà, il faudrait vraiment se pencher sur cette période concrète de l'histoire de la mémoire. C'est vraiment passionnant. Je découvre un petit peu avec vous. À l'état actuel des choses, effectivement, ça ne pourrait être plus différent. Il y a une absence totale de référence à la Première Guerre mondiale dans le discours politique, le discours officiel. Dans un premier temps, la mission du centenaire attendait davantage d'initiatives du national, du fédéral allemand ou des Länder, mais finalement ça vient. Le président allemand, là je parle du président allemand, va faire un déplacement, et dans certains Länder, ceux qui sont frontaliers en tout cas, des pays belligérants de l'Ouest, il va y avoir quelques initiatives, non? Évidemment, le président fédéral, les Allemands en général, ne peuvent pas ne pas répondre présent quand la France leur demande de venir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une sorte de calendrier commémoratif équivalent à ce qu'on aurait en France. Donc, mais il y a tout de même un grand travail d'histoire. Oui, des expositions, des livres, c'est autre chose. Je ne dis pas le contraire, j'abonde dans le sens de ce que vous dites. Mais là, c'est vraiment un intérêt historique plus général, donc un public cultivé qui va s'intéresser aux expos, qui va se déplacer dans les librairies, acheter des livres consacrés à la Première Guerre mondiale. Mais ça ne fait pas du centenaire un événement mémoriel pour autant. C'est un événement... pour les historiens, pour le public cultivé, ça n'est pas un événement mémoriel. À Berlin, actuellement, il y a de grandes expositions consacrées à 1933, la naissance du pouvoir nazi, puis une autre gigantesque sur la bataille de Leipzig. Vous vous souvenez, là, c'est quand les Français ont été écrasés par les Allemands et leurs alliés, non? Ah oui, absolument. C'est l'alliance russo-austricho-germanique qui secoue le joug napoléonien. Par exemple, et ben voilà une excellente conclusion. Arne Wenrich, on trouvera toutes indications sur notre site, sur le projet d'encyclopédie internationale en ligne que vous développez depuis un moment autour de la Première Guerre mondiale et puis nos références habituelles au livre de G. Winter et de son équipe, Presse universitaire de Cambridge et édition Fayard à Paris. Jacques Sigal, Patrick Henry, c'était notre équipe d'aujourd'hui.